comme une lésion corporelle mortelle. Connu comme les poulets du colonel. Telle est ma façon d'écrire polichinelle. De tout ce que j'ai à dire, voilà pourquoi mon cou ne sourit pas. Et voilà pourquoi je n'ai pas peur de toi. Petit MC sans moi, intérieur, qui se prend pour une terreur. Ton style qui n'est pas un style, mais car viens qu'on se batte, qu'on se frappe. Fuck le prose combat, pose-moi ça. Il est temps d'engager le combat, un vrai combat où les lésions corporelles sont admises. Et ta vie est la mise. Combien d'entre nous manque de cœur? Combien d'entre nous manque de cœur? Combien d'entre nous est Babylone? Bop, bop, bop to the break it down. Combien d'entre nous manque de cœur? Combien d'entre nous manque de cœur? Combien d'entre nous est Babylone? Bop, bop, bop to the break it down. L'emprise que j'ai sur cette industrie est incomparable. Casey, Edelman, Lopi et Chase sont intouchables. Regarde la réalité en face, ton espèce s'efface. En 97, la réalité domine la fiction. Comme Internet domine ColecoVision. Ou que Mike Tyson domine sa division. Alors, soi-disant roughneck, fais attention à ta condition. Comme un juif à sa situation. Où nous t'atteindrons des lésions corporelles profondément mortelles. C'est la mort. Combien d'entre nous manque de cœur? Combien d'entre nous manque de cœur? Combien d'entre nous est Babylone? To the break it down. Combien d'entre nous manque de cœur? Combien d'entre nous manque de cœur? Combien d'entre nous est Babylone? Bop, bop, bop to the break it down. Ces paroles sont dédiées aux testeurs qui veulent toujours tester. C'en est à moins avoir de vrais textes. C'en est à moins avoir de vrais réflexes sur le micro. Mais yo, qui veut test, qui veut rest, qui veut se prendre le chest? La réalité c'est que The Double S Brothers affilié avec YBA Canada Brothers. C'est une organisation solide, sans pression, qui te laisseront qu'une collection de lésions corporelles mortelles. Juste parce que elle se clique, aime pas les fake MC sans hic. Biatch. Combien d'entre nous manque de cœur? Combien d'entre nous manque de cœur? Combien d'entre nous